Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris. Jésus macht frei. Jésus libère. Jésus rettet. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses. Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12. Nous lirons pour le quatrième dimanche de suite le même passage. Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. J'espère que vous allez le savoir par cœur maintenant. Et surtout, l'appliquer à sa vie, à notre vie. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyant que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus le questionner. Il y a quatre dimanches de cela, nous parlions sur le premier commandement. Le dimanche suivant, nous avons parlé sur « Tu aimeras ». Dimanche dernier, c'était sur le deuxième commandement. Et maintenant, j'aimerais insister sur aimer son prochain. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions encore un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 19. C'est Jésus qui parle ici. Et il dit à ses auditeurs, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. » En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai cinq frères qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. » Et pour finir, j'aimerais lire encore avec vous un passage dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 13, à partir du verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Oh, combien nous devons dire et répéter ce passage de l'Écriture. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Jusqu'à quand, toi, chrétien, cherches-tu à opprimer ton prochain? Jusqu'à quand vas-tu piétiner la loi et les commandements de Dieu en cherchant à faire ta propre volonté? Jusqu'à quand chercheras-tu par ton égoïsme à augmenter ton revenu au-delà de toute mesure et à opprimer celui qui n'a rien et à prendre de sa bouche la nourriture même que Dieu lui donne? Jusqu'à quand, hypocrite, viendras-tu dans l'église adorer Dieu, comme tu le dis, chanter des cantiques, battre des mains, faire des nuits de prière et de jeûne, et à peine tu as terminé ton jeûne et tes prières, te voilà dur avec celui qui est sous tes ordres, te voilà intransigeant avec celui que tu payes d'un salaire de misère, te voilà sans pitié et sans compassion avec celui qui frappe à ta porte et qui souffre. Jusqu'à quand prendras-tu la nourriture de celui qui a droit parce que toi tu veux simplement ajouter encore à ton revenu et avoir une vie encore meilleure? La Bible nous le dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain, et c'est un message que nous devons prêcher, et c'est un message que nous devons mettre sur les murs de nos villes, sur les pancartes publicitaires. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Notre monde serait meilleur, notre église serait meilleure, notre société serait meilleure, notre pays serait meilleur si on avait compris ce principe-là. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui aime Dieu, il aime son prochain. Celui qui aime son prochain aime Dieu. Tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu, car ton prochain est fait à l'image de Dieu. L'amour se démontre par les œuvres. Que voyons-nous dans notre société aujourd'hui? On ne voit que la rapine et la corruption. Et à cause de cela, le pays est dans le malheur, dans les larmes et dans la souffrance. Et le pays se plaint, oh, la Banque mondiale ne veut pas nous aider. Non, je demande à Dieu qu'elle ne nous aide pas jusqu'à ce que nous apprenions la leçon. Nous avons le potentiel dans notre pays, mais nous sommes égoïstes, et nous pensons qu'à notre propre aise et à nos propres ambitions. Et nous n'avons pas d'amour pour notre prochain. Et en n'ayant pas d'amour pour notre prochain, nous appelons la malédiction sur nous. Frères et sœurs, je ne crois pas qu'il nous faut rêver inutilement, espérer inutilement. La délivrance, Dieu veut nous la donner en tout cas. Parce que Dieu ne fait pas d'exception pour personne. Mais tant que nous sous-payons nos employés, tant que nous essayons de racler autant que possible pour mettre dans notre poche, tant que nous refusons de leur payer leurs congés légaux, tant que nous refusons de leur donner ce qui leur est dû, nous n'allons pas prospérer. Quand je pense combien d'hommes et de femmes s'achinent à soutenir leur famille, s'achinent à soutenir leurs enfants, à assurer la subsistance et la survie, Et ceux qui pourraient les payer un peu plus décemment ne veulent pas le faire, et tout leur loyer passe et part dans les transports publics, simplement parce qu'ils espèrent qu'un jour meilleur viendra. Ne croyez-vous pas que la colère de Dieu vient sur un monde plein de rapines et d'égoïsme et de soif du lucre à n'importe quel prix en faisant de son semblable un esclave? Ce n'est pas moi qui parle. Et quand je parle de la sorte, mon cœur est brisé à cause de la dureté de l'homme. Et nous prions et nous remplissons les églises et nous demandons à Dieu de nous aider dans nos affaires. Et alors que nous pourrions donner un salaire plus décent, nous ne voulons pas, nous refusons. Alors que nous-mêmes, nous ne vivrions pas avec le cas. Frères, sœurs, jusqu'à quand cette dureté de cœur? Dieu ne nous demande pas de faire au-delà de ce que nous pouvons. Dieu ne veut pas que notre société aille en ruine à cause de notre générosité. Mais Dieu demande que nous fassions ce qui est juste, que nous fassions ce qui est normal. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'amour pense aux besoins du prochain. L'amour ne pense pas à soi-même, mais l'amour pense à son frère. Et l'apôtre continue en disant, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et lorsque nous lisons les commandements de Dieu, ces commandements qui sont explicités dans toute la parole de Dieu, de multiples commandements, nous nous affolons, nous nous disons, comment pouvons-nous obéir à tous ces commandements? Si Israël n'a pas pu, comment allons-nous le faire? Tous ces commandements, comment pourrais-je rentrer dans le royaume des cieux? C'était la question que posaient le scribe et le pharisien à Jésus-Christ. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et, le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceci. Et voilà, toute la loi, elle est là. Tous les commandements sont là. Si tu as oublié tous les autres, peu importe. Au moins, souviens-toi de ces deux commandements. Car si tu obéis à ces deux commandements, eh bien, tu vas automatiquement obéir à tous les autres commandements. Vous voulez une religion simple, vous voulez une foi simple, vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose de direct, le voici, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, 1, tu aimeras ton prochain comme toi-même, 2, voilà, toute la loi, tous les prophètes, c'est ce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce que nous dit l'apôtre. Oh, je crie à Dieu, je demande à Dieu, je supplie le Seigneur, que notre conscience soit réveillée, et que nous cessions d'être des hypocrites, que nous cessions à être des figurants dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas de figurants, il veut des combattants et des hommes réels, des hommes et des femmes qui vivent ce qu'ils prétendent croire. Aimer le prochain, voilà ce qu'il demande. Notre société serait meilleure si on aimait le prochain. Quand je pense les richesses qui sont dans ce pays, quand je pense les richesses qui ont été données dans ce pays pour tel projet ou tel autre projet, le projet n'est jamais sorti de l'œuf. La route n'a jamais été faite. On vole à tous les niveaux. On détourne les fonds. Et aujourd'hui, l'office des routes est en ruine et nous sommes sur des routes épouvantables sur lesquelles on casse tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour du prochain et cet argent, au lieu d'aller sur les routes, va dans les poches. Que pourrais-je dire dans tous les autres domaines, les deux domaines médicaux ou les domaines autres dans notre société d'aujourd'hui? On va dans les universités, il n'y a même pas de bibliothèque, il n'y a même pas d'équipement, il n'y a rien. On voit les écoles sont en ruine partout, et tout le monde essaye de faire nous louer les deux poules. Pourquoi? Parce que l'aide a été détournée ici, cet autre subside a été détourné là. Pourquoi? Pour qu'un homme vive un peu mieux, pour qu'il mette son argent ailleurs, dans un pays étranger, pour qu'il jouisse égoïstement. Non, il n'y a pas de jouissance dans cette rapine et ce vol, car tu es ton prochain, tu le haïs au lieu de l'aimer. La parole de Dieu, mes frères, elle doit être prêchée dans toute sa vérité. Il faut que les consciences soient réveillées devant la réalité du scandale que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Dans notre monde, oui, et dans notre société aussi, ici au Zaïre. Ce n'est pas parce qu'on vole, ce n'est pas parce qu'on détourne, ce n'est pas parce qu'on fait toutes sortes de choses de corruption dans les pays étrangers que ceci nous justifie, nous, de vivre dans cette corruption et de fermer la bouche. Nous devons ouvrir la bouche. Sans cela, notre pays ne marchera pas, ne changera pas, et le pauvre sera de plus en plus pauvre, et le riche de plus en plus riche, et il y aura une classe d'esclaves et une classe de supérieurs, parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. C'est une chose qui me tient tellement à cœur que c'est le quatrième dimanche que je prêche sur ce même passage de l'Écriture. Mais l'Écriture, elle est faite pour être prêchée, elle est faite pour être comprise, elle est faite pour être appliquée. Qui aime son prochain accomplit la loi. Voilà. Voilà, c'est simple. C'est simple. Combien vont essayer de s'excuser? Oui, je sais, mais moi j'ai pris cet argent parce que ceci... Non, laisse ça. Laisse ça. Sache que quand une somme d'argent est destinée pour cette chose, eh bien, elle doit être utilisée pour la chose pour laquelle elle a été destinée. Si tu l'utilises pour autre chose, c'est un détournement. Que ce soit au niveau de la borne, ou que ce soit au niveau des bureaux de l'État, ou que ce soit au niveau de la famille, c'est un détournement. Et quand je vois ces règlements de compte qui se font aujourd'hui dans certains pays du monde et que des grands politiciens sont appelés à la barre pour rendre compte de l'argent qu'ils ont employé à autre chose que ce qui s'était destiné et qu'on leur donne 2 ans de prison ou 3 ans de prison ou avec sursis ou que sais-je, eh bien je me dis il y a encore un petit peu de conscience quelque part. Mais je demande à Dieu qu'il y ait aussi plus de conscience ici dans notre pays. Autrement, jamais, vous m'entendez, ce pays ne va changer. Jamais. Il faut que les hommes crient sur les toits. Il faut qu'on dénonce le péché. L'amour du prochain. Aimer son prochain, c'est plus que tous les holocaustes. Aimer son prochain, c'est plus que tous les sacrifices. C'est ce que fait remarquer le scribe à Jésus. Après que Jésus lui a dit quel était le premier des commandements et quel était le second des commandements, ce scribe lui répond, oui Seigneur, tu as raison. Aimer son prochain, c'est plus que les holocaustes, c'est plus que les sacrifices. Jésus a approuvé sa conclusion. Il a vu qu'il avait répondu avec intelligence. C'est ça, trop souvent ça reste au niveau de l'intelligence, vous voyez. La théorie. Mais il faut que ça se descende plus bas. Parce que Jésus lui a dit, tu es près du royaume des cieux. Il aurait dû pleurer et se lamenter. Seigneur, c'est pas près que je veux. Je veux être dans le royaume. Mais il y a beaucoup de gens qui se contentent d'arriver juste à un niveau intellectuel. L'intellect, oh là là. Et ils ont des titres, et ils ont des doctorats, et ils sont capables, etc., etc. D'accord. Mais mon frère, ça doit descendre dans le cœur. Il faut que la vie soit soumise à ce commandement. Il faut que la vie mette en pratique ce commandement. Autrement, tout cela est vain, et tout ce que tu auras, c'est un jugement sur toi. Oui, c'est vrai, tu le sais, alors fais-le. Tu sais que aimer son prochain, c'est plus que les holocaustes et plus que les sacrifices. Tous les sacrifices que tu peux faire, l'argent que tu peux donner, le temps que tu peux donner, même ce que tu donnes au-delà des dîmes, les prières que tu peux faire, les nuits de prière et de jeûne que tu fais, les pèlerinages que tu fais, les mortifications que tu fais subir, que tu te fais subir, et les œuvres charitables auxquelles tu donnes ton temps et ton argent, toutes ces choses ne remplacent pas l'amour du prochain. Mais vous allez me dire, quand on fait des œuvres charitables, est-ce que ce n'est pas la manifestation de l'amour du prochain? Non, pas toujours. Il y a des gens qui font des œuvres charitables, et il y a des gens qui font des sacrifices, il y a des gens qui donnent leur argent à l'Église. Pourquoi? Pour essayer de mériter une grâce. C'est pas vrai? Autrement dit, le but est égoïste. Et d'abord, une grâce ne se mérite jamais. Parce que par définition, une grâce, on ne la mérite pas. Et si tu veux faire quelque chose pour mériter une grâce, sache que tu ne l'auras pas. Parce qu'une grâce ne s'achète pas. Ni par l'argent, ni par le temps, ni par tout ce que tu peux offrir. Rien. Donc, quelqu'un qui parle de mériter une grâce, il dit une grosse sottise. Il ne sait même pas le français. Puisque par définition, une grâce ne se mérite jamais. Mais malheureusement, il y en a qui font de telles œuvres. Même dans l'église, qui donnent leur dîme, leur argent, tout ça. Pourquoi? Pour essayer d'amadouer Dieu, pour obtenir quelque chose, pour essayer d'avoir quelque chose. Ils vont aider, prier pour les malades, aller dans les hôpitaux, donner du savon, donner ceci, tout ça. Parce que peut-être comme ça, Dieu va me faire prospérer dans mes affaires. Mauvaise motivation et tu perds le bénéfice de tout ce que Dieu voulait te donner. Attention! Dieu connaît les motifs du cœur, frères, sœurs. Nous avons parlé dimanche dernier de la parabole du bon samaritain, permettez-moi d'y revenir quelque peu. Il y avait là ce demi-mort qui était au bord de la route. Il avait été dépouillé, battu, blessé, il gisait là. Il était un demi-mort, nous dit la Bible. Un demi-mort, et tels sont les hommes autour de nous, des demi-morts, tous ceux qui nous entourent, vivants, quant à la vie de la chair, c'est vrai. Il marche, il mange, il court, mais mort quant à Dieu. Ce sont des demi-morts. Ils sont blessés. Et si on ne les soigne pas, si on ne leur donne pas la vie, eh bien, ils vont mourir pour de bon et pour l'éternité. Ce sont des demi-morts, blessés, volés. Satan leur a tout pris, tout, tout. Leur dignité, leur connaissance, leur sagesse. Ils sont devenus avares, mauvais, durs, méchants, cupides. Voilà ce qu'ils sont. Et à mesure qu'ils grandissent, à mesure que le temps passe, ils deviennent pire, pire, pire, pire, pire. C'est pas ça? Eh bien, Jésus dit, ce sont des demi-morts. Et si vous ne vous arrêtez pas au bord de la route, et si vous ne passez pas du temps pour bander ses plaies, et si vous ne passez pas du temps pour le ranimer, et lui faire comprendre où il est et ce qu'il fait, eh bien, il va mourir pour de bon et pour l'éternité. Allons. Allons, frères, sœurs. Ne passons pas à côté de lui sans rien faire. Ne passons pas outre comme le sacrificateur et le Lévi qui descendaient de Jérusalem à Jéricho. Ayons compassion. Ayons compassion pour ce pauvre demi-mort sur la route. Le sacrificateur et le Lévi ont vu ce demi-mort, mais ils ont placé les prérogatives de leur tradition au-dessus du cœur. Comme ils étaient sacrificateurs et Lévi, ils savaient que s'ils touchaient un mort, peut-être qu'ils l'ont cru mort. S'ils touchaient un mort, ils se rendaient impurs. Et alors, il fallait qu'ils aillent à travers tous les rites de la tradition, de la religion, pour se purifier tout à nouveau. Ils ont placé donc leur considération, disons religieuse, au-dessus du bien de leur frère. Pourtant, ce frère vivait encore. S'ils avaient mis que le doigt là, sur la veine du cou, ils auraient pu savoir qu'il n'était pas mort. Et combien d'hommes et de femmes, sous prétexte de religion, sous prétexte de foi, sous prétexte de dignité quelconque et très obscure, passent à côté des demi-morts et ne font rien pour eux. Il était sur la route. Et le prochain de ce demi-mort, c'est le bon samaritain. Et le prochain de ce demi-mort, c'est le lévite. Et c'est le sacrificateur. Oui, ce demi-mort, il a droit à la compassion des autres. Par le fait qu'il se trouve sur leur route. S'il n'était pas sur leur route, peu importe, mais il se trouve sur leur route, il a droit à la compassion des autres. Aime ton prochain, même celui qui est riche, aime-le. Combien de fois nous voyons les pauvres haïr les riches simplement parce qu'ils sont riches. Tu pèches, le riche est ton prochain. Aime celui qui est pauvre, toi riche. Tu te crois supérieur parce que tu es bien habillé, tu as des bonnes connaissances et tu as beaucoup d'argent et tu regardes le pauvre du haut de ta grandeur. Non, aime-le, aime-le. Pauvre, ne convoite pas les richesses du riche. Riche, ne méprise pas le pauvre à cause de sa pauvreté. Pauvre, ne sois pas amer contre le riche parce que tu es pauvre et lui riche. Attention. Ne convoite pas, ne regarde pas cet homme avec envie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours dans le monde de l'inégalité de fortune parmi les hommes. Quoi qu'il dise le communisme, quoi que disent les socialistes, quoi que dise n'importe quel chef politique, mes frères, il y aura toujours de l'inégalité parmi les hommes, tant que le roi de paix, le roi de justice ne régnera pas ici-bas sur cette terre. C'est lui qui donnera la justice sociale. Aucun parti ne peut donner la justice sociale. Quel exemple ne nous donnent-ils pas les partis d'aujourd'hui? Ils ne pensent d'abord qu'à leur propre salaire et à leur propre revenu. Alors que les demi-morts sont autour de nous, en train de mourir autour de nous, dans la misère la plus noire. Marche avec Dieu, toi qui es pauvre. Marche avec Dieu, toi qui es riche. Dieu te donnera à toi, pauvre, le contentement. Et toi aussi, riche, tu as besoin du contentement. Car plus tu as, plus tu veux encore, et tu n'es jamais content. Marche avec Dieu et il te donnera le contentement. Honore-le et il te donnera la subsistance, toi, pauvre. Honore Dieu et il pourvoira tes besoins. Il te donnera le vêtement, il te donnera la nourriture sur ta table, il te donnera la dignité, sans que tu sois un millionnaire. Car tu sais, si tu le sers, qu'il y a quelque chose qui vient et que là-haut tu as une maison. Alléluia. Tu as une maison là-haut. aime ton prochain. Si tu l'aimes vraiment, tu ne saurais lui porter envie. Ce commandement, il est pour le pauvre comme pour le riche. Tu aimeras ton prochain. Riche, le pauvre a droit à ton amour. Ne le méprise pas. Ne le regarde pas comme étant un inférieur. Mais il est ton égal devant Dieu car il est ton semblable. Dans Actes chapitre 17, verset 26, il est dit, il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang et qu'ils habitassent sur toute la surface de la terre. Tous les hommes sortent d'un seul sang. À supposer que je sois blessé et que je perde mon sang. Mais vous avez le même groupe sanguin que moi. Vous allez me donner votre sang et je vais vivre. Un seul sang. Votre sang, il est bon pour moi. Mon sang est bon pour vous. Alors, pourquoi regarder le pauvre comme étant une quantité négligeable et méprisable? Alors, pourquoi regarder le riche comme étant une personne haïssable? Aimez-vous les uns les autres. Riche, tu n'as pas plus de valeur que le pauvre. Le pauvre est un homme. Et toi, qu'es-tu de plus? Tu n'es qu'un homme, pas plus que lui. Tu aimeras ton prochain. Peut-être que ce pauvre peut être en haillon. Il n'a que des hardes sur le dos. Mais il est un homme. Et il est un homme fait à l'image de Dieu. Et toi, parmi tous tes vêtements, que tu ne portes plus, sans penser à ce que tu portes aujourd'hui, tu peux lui donner quelque chose pour recouvrir sa nudité. Et même si tu es éduqué et riche, avec des serviteurs, de l'argent, des voitures, des propriétés, du pouvoir, tu n'es qu'un homme et rien de plus que lui. Alors aime ton frère, aime ton prochain, ne le méprise pas, donne-lui un salaire qui corresponde à son travail lorsque tu as le pouvoir de le faire. Toi qui prétends connaître la vérité, toi qui enseignes les autres, aime ce demi-mort blessé au bord de la route, car il est ton prochain. Compassion pour lui, il est perdu, il est malade, plus d'espoir, peut-être plus d'espoir, mais ne peux-tu pas lui rendre ses derniers jours plus doux que son passé? Ne pense pas que ta dignité religieuse t'empêche de t'abaisser au niveau du demi-mort, toi sacrificateur et toi Lévi. Tu peux être sacrificateur et Lévi, mais ceci ne fait pas de toi un être supérieur qui ne peut s'abaisser aux pieds d'un malheureux. Oui, il y a des bons sacrificateurs, mais il y a aussi des mauvais. Il y a des bons représentants légaux, mais il y a aussi des mauvais représentants légaux. Oui, il y a des bons missionnaires, mais il y a aussi des mauvais missionnaires. Comme il y a des bons samaritains, mais aussi des mauvais samaritains. Si tu es bon ou si tu es mauvais, sera prouvé par tes œuvres. Le bon aime Dieu et il aime son prochain. Le mauvais, quel qu'il soit, est dur, égoïste, jaloux, n'aimant que lui-même, égocentrique. Le samaritain n'est pas bon parce qu'il est samaritain. Non, mais parce qu'il aime son prochain. Voilà pourquoi. Le sacrificateur et le lévite ne sont pas mauvais parce qu'ils sont des religieux. Non, mais parce que ils font passer leurs règles religieuses de leur tradition au-dessus de l'amour du prochain. Dites-moi, lorsque vous voyez votre prochain ivre, saoul sur la route, ou que vous savez que c'est un ivrogne, que vous savez qu'il vit une vie mauvaise, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas t'enivrer, tu ne dois pas courir après les femmes. Non, ce n'est pas comme cela que tu le fais. Si tu le fais comme cela, c'est la preuve que tu ne l'aimes pas. Pourquoi est-il lié? C'est parce qu'il ne connaît pas et le voleur lui a tout pris. Alors il est lié, il cherche un refuge dans l'alcool, il cherche un refuge dans la débauche. Qu'est-ce que Jésus veut? Il veut que tu l'aimes. Et comment l'aimer alors? Mon frère, je t'apporte Jésus. Tu sais qu'il t'aime? Mon frère, Il veut t'aider, il veut te secourir, tu n'es pas heureux. Ne l'attaque pas parce qu'il boit, ne l'attaque pas parce qu'il va dans une secte, ne l'attaque pas parce qu'il fait des choses qui te dégoûtent. Non! Tu l'aimes! Ah, j'entends des bêtises qui sont faites des fois, ici même dans notre église. Est-ce que tu bois du vin? Une personne qui est là, qui a besoin, qui demande des conseils. Est-ce que tu bois du vin? Quoi donc? Est-ce que c'est le vin qui nous fait rentrer dans le royaume des cieux ou quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas et qui vont en enfer. Sottise! Commence à aimer ton prochain. Et si tu l'aimes, tu vas comprendre que toi, tu as fait les mêmes choses que lui. Et si tu as fait les mêmes choses que lui, tu comprends que tu es sauvé parce que Dieu t'aime. Alors commence par l'aimer. C'est la première des choses qu'il te demande. Il y a de bons sacrificateurs et il y a de bons lévis. Et il y a aussi des mauvais samaritains. Dans les samaritains, il y en a des bons. Et c'est ce que Jésus veut enseigner. Parce que les juifs méprisaient les samaritains. Cette race hybride de mélange de gens déportés de Babylone avec des gens d'Israël, les pauvres du pays qui sont restés et leur faux culte. Du temps de Jésus, appeler quelqu'un un samaritain, c'était une insulte. Et personne ne voulait rien avoir à faire avec les samaritains. Oui, mais il y a aussi de bons samaritains. Alors, aime les samaritains. Garde-toi de le mépriser. Il est un homme, le samaritain. Il est ton frère. Tu aimeras cet homme de cette autre tribu. Tu aimeras cet homme qu'on méprise parce que c'est un pygmée. Tu aimeras cet homme de cette autre race, de cette autre tribu, qui par tradition est détesté par ta tribu. Toi, tu n'appartiens plus à cette tribu. Tu appartiens à cette nouvelle race du royaume des cieux. Alors, tu l'aimes. Jésus parlait et il disait, il y avait un homme riche. Il disait qu'il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Cet homme a tout sur la terre. Il a tout ce qu'un homme peut s'offrir. Il a de l'argent, il a de la nourriture, il a le luxe. Le luxe, c'est pour ainsi dire le superflu. Il a des serviteurs, il a des servantes, il a des vêtements en grande abondance. Il suit la mode du reste. Il a une place dans la société, il a une audience dans la société. Il influence grandement son milieu. Il a du pouvoir, il est respecté. C'est peut-être un grand homme d'affaires. Il a des caravanes de chameaux qui s'en vont dans les pays lointains, acheter des choses précieuses, des aromates, des tissus précieux. Et il fait encore un commerce très lucratif. Du reste, tout est luxueux dans sa maison. Il a une grande propriété protégée tout autour avec des gardes. Il a un cheval le plus beau qui soit, de la meilleure race qui soit, un pelage luisant, bien nourri, nerveux. Le meilleur qui soit, il est harnaché d'une façon luxueuse. Ses gardes du corps, ce sont des grands hommes bien musclés et forts. Sa maison, par les mains, c'est un palais. C'est un palais, tout est décoré avec goût et avec soin, d'une propreté impeccable. On y est comme dans un lieu de repos par excellence. Sa femme, la plus belle qu'il soit, partout où elle passe, elle répand un parfum d'une agréable odeur. Elle est d'une beauté exquise, entourée de toutes ses servantes. Ses enfants sont pleins de santé, ils apprennent, ils sont très intelligents. Cet homme a tout, chaque jour il mène joyeuse et brillante vie, nous dit la Bible. Oh, il n'a pas besoin d'être un débauché pour mener des brillantes vies. Je crois que cet homme n'avait qu'une seule femme, et je crois qu'il avait une certaine rigueur chez lui à la maison, et il éduquait bien ses enfants. Mais malgré tout ce positif, malgré tout ce beau, cet homme a un problème. Il est dur, il est hautain, il est orgueilleux, il est indifférent envers son prochain. moins fortuné que lui. Il regarde le pauvre avec mépris à sa porte. Non pas directement à sa porte, mais au portail, à quelque distance de sa maison. Au portail, là, il y a un homme, un pauvre homme. Il est déjà assez âgé. Il a une barbe blanche, mais jaunie. Il est chaud avec de longs cheveux qui lui tombent dans le cou. Il est maigre. Il est habillé de haillons. Il est pauvre et faute de bonne nourriture, faute d'habits propres et d'habits décents, faute de propreté, faute de soins, il peut à peine marcher en s'appuyant sur son bâton, faute de logement, il a des ulcères qui couvrent son corps partout, une maladie, faute de vitamines adéquates, il a peut-être le scorbut qui fait des plaies partout dans la bouche et sur le corps. Il a peut-être quelque chose, une carence de vitamines, que sais-je. Mais le voilà est réduit à l'extrême. Il est affamé. Il sent les odeurs de la cuisine qui vient de la cuisine du riche. Ces odeurs, oh, il voudrait prendre quelques miettes qui tombent de la table du riche. Mais personne ne lui en donne. Et pourtant, à chaque repas, chacun mange rassasié. Et puis quand on est rassasié, on laisse ce morceau de pain à moitié rongé. Et personne n'y fait attention. Du reste, vous le savez, dans vos maisons, je l'ai vu souvent, quand il y a la grosse boule de foufou, chacun en mange, il en reste peut-être le quart, mais on le néglige et puis ça, on le jette derrière. Pourquoi? Ben tout le monde est rassasié alors. Oui, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Il aurait voulu avoir ce morceau de pain à moitié rongé par les enfants gâtés qui sont là. Non, maman, je veux pas ça, donne-moi ça. Il voudrait manger ce fruit à moitié rongé, laissé par le petit dernier qu'il a laissé tomber par terre. Mais personne ne lui en donne. Il est affamé. Il ne possède rien. Il est maigre, il est nu, il est sans famille. Personne ne lui donne rien. Seul, de temps à autre, les chiens de son patron passent. Il leur renifle et lèche quelque peu ses ulcères. Voilà la seule compassion qu'ils connaissent. Pourtant, le chien n'est pas ton semblable. Celui qui est ton semblable te regarde plus bas qu'un chien, car il soigne ses chiens et il soigne son cheval. Quel contraste entre ces deux hommes! Le riche peut nourrir le pauvre. Il peut le vêtir avec ses vêtements encore bons, mais qui ne sont plus selon la mode, il suit la mode. Mais donne tes vêtements qui ne sont plus selon la mode à ton idée, à ce pauvre qui est nu. Non, il ne le donne même pas. Il pourrait le loger dans une de ses nombreuses parcelles. Il pourrait lui faire une petite cabane et le pauvre le bénirait. Et ce qu'il donnerait à ce pauvre ne lui manquerait pas, car il donnerait que ce qu'il n'a pas besoin. Il ne touche pas à ce qui lui est nécessaire en donnant ainsi au pauvre, mais il n'a aucun amour pour son prochain, que de l'indifférence, que de la dureté de cœur, que de l'égoïsme. La Bible nous dit, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire dans le paradis. C'est une expression juive qui voulait parler du paradis. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est porté par les anges dans le sein d'Abraham? Parce que pauvre? Non. Il y a beaucoup de pauvres qui meurent qui ne sont pas portés dans le sein d'Abraham, qui ne sont pas portés dans le paradis. Et pourquoi est-ce que... Pourquoi alors un privilège de la sorte, mais parce que il craint Dieu. Oui, parce que il craint Dieu. Mais j'entends votre question immédiatement. Pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas occupé de lui s'il craignait Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas secouru? Ah non, mon frère, Dieu l'a secouru. Dieu l'a envoyé à la porte du riche. Voilà ce qu'il a fait. Dieu l'a envoyé à la porte du riche. Pourquoi Dieu ferait ce que l'homme peut faire? Dieu ne fait jamais ce que l'homme peut faire. Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire. Non, Dieu n'a pas abandonné le pauvre qui craignait son nom, mais Dieu l'a envoyé à la porte du riche pour que le riche lui donne son superflu. Il a répondu aux besoins de Lazare. Sachez que Dieu répond à nos besoins à travers nos semblables. Vous m'entendez? Il répond à nos besoins à travers nos semblables. Qui sait si cet homme qui est venu à ta porte, ce n'est pas Dieu qui te l'envoie? Qui sait si cette femme qui pleure, ce n'est pas Dieu qui te l'envoie? Oui, je sais, il y a beaucoup de charlatans aujourd'hui. Je ne vais pas dire que nous devons aider un drogué pour qu'il continue à se droguer. Je ne vais pas dire que nous devons aider un voleur pour qu'il continue à voler. Non, mes amis, mais nous allons le faire avec discernement. Et même le voleur, et même le drogué, nous allons lui parler car c'est notre prochain. Mais voilà, le riche ne veut pas accomplir son devoir. Le pauvre reste dans sa misère. Le voilà recroquevillé au portail du riche, dans sa pauvreté, chaque fois que le riche passe sur son cheval avec ses serviteurs et ses servantes, il n'a même pas un regard pour cet homme qui est là recroquevillé sur lui-même et qui, chaque fois qu'il l'entend, en tremblant, tend la main. Pitié, pitié, il n'y a pas de pitié, car le cœur est dur. La Bible nous dit dans les Proverbes 3, 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de le faire. » Quand tu as le pouvoir de le faire, Dieu ne demande pas que tu fasses quelque chose quand tu ne peux pas le faire, mais il te demande de faire ce que tu peux quand tu as le pouvoir de le faire. Pour Lazare, après un temps d'épreuve, de souffrance, Dieu intervient. Alléluia, Dieu voit. Il a vu la misère, il a vu la non-réponse de l'homme riche. Et Dieu, un beau jour, il appelle 3-4 de ses anges, « Venez ici, descendez, allez le chercher. » Alléluia. Allez le chercher. Dieu intervient d'une façon où l'homme ne peut intervenir. Et il nous est dit que les anges le portèrent sur leurs bras. Et il rentra dans le paradis. Alléluia. Il rentra dans le paradis, plus de douleur, plus d'ulcères, plus de puanteur, plus de faim, plus de tristesse, joie, bonheur. Dans le paradis, où sont ceux qui craignent Dieu, voilà leur place, et ils attendent le jour de la résurrection. Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire. Dieu envoie ses anges le chercher. Lazare est récompensé. Lazare a le repos. Son vieux corps usé, malade, n'avait personne pour l'ensevelir. Un beau matin, les gardes de l'homme riche viennent lui dire, « Tu sais, le vieux corps. Ah oui, cet être puant. Bon, il est mort. Bon débarras. Il n'a pas de famille. Mettez son corps dans un vieux sac et jetez-le là où on jette les poubelles. Il y avait à Jérusalem, dans la vallée d'Hinnom, un endroit où on jetait toutes les détritus de la ville et tous les morts qui n'avaient pas de famille, tous les morts par pendaison ou par exécution étaient jetés là avec les immondices. Peu importe, Lazare n'est plus là. Il est là. Le riche mourut aussi. Ah, est-ce que les riches meurent? N'oublie pas, riche, que tu es un homme qui meurt aussi. La Bible nous dit, il fut enseveli. Il n'est pas dit que les anges le cherchèrent. Non. Je me souviens un jour, j'étais témoin d'une mort terrible. C'était lorsque j'étais au Gabon, sur le fleuve Ogoué, là dans un village perdu, où il y avait un chef d'une secte sataniste épouvantable, l'Omouissi. Cet homme avait tué combien d'hommes et de femmes durant sa vie par le poison. Le voilà sur son lit de mort. Il hurle, il crie, il veut chasser ces esprits qu'il voit qui viennent le chercher. Des visages grimaçants, épouvantables. Il crie, il hurle. Ceux qui sont autour de lui ne voient rien, mais lui, il voit quelque chose que les yeux des autres ne voient pas. Ce n'est pas des anges qui sont venus le chercher. Ce sont ceux qu'il a servi durant son vivant. Ah, mon frère, quelle sera ta mort en ce jour? Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire pour lui. Quel sera ton départ? N'oublie pas que le riche meurt aussi. On acheta le plus beau cercueil. Peut-être un beau cercueil en bois noir, en wenge, sculpté tout autour. On a mis son corps avec de beaux vêtements et le cercueil est tout capitonné de satin tout autour. On l'amène là dans un magnifique corbillard avec des fleurs et des couronnes. Arrive au cimetière, toute une liturgie et des prières. Des fleurs, on jette de l'eau bénite. On met toutes sortes de parfums, de l'encens qui brûle tout autour. Et plusieurs se lèvent pour annoncer, pour parler du défunt si méritoire, qui a fait tellement de bien autour de lui, qui par lui, la société a fait un bond en avant au point de vue économique. Il s'est consacré corps et âme à la cause du peuple. Il a donné de son temps et de son argent pour ceux qui étaient dans le besoin. Il a vécu avec dignité au milieu de nous. Que son âme repose en paix. Mais les anges ne l'ont pas cherché. Peu importe où on met mon corps, quand mon âme est sortie, je ne suis plus là. J'aime la simplicité que l'on voit en Israël. J'ai encore appris beaucoup de choses, même par la mort de Rabbin, Yitzhak Rabbin. Pas de grande cérémonie, pas d'uniforme rutilant. Les généraux ont porté le cercueil en bois de sapin, en bois rude, simplement en chemisette. Qui pouvait savoir que c'était des généraux? Pas de cérémonie inutile. On a enveloppé son corps dans un linceul. On l'a mis à même le sol. Il n'est plus là. Principe juste. Tu dépenses tout ton argent pour un mort, comme s'il allait revivre. Il est parti. Ce n'est plus qu'une dépouille. Apprends la leçon. Que Dieu nous apprenne la simplicité, frères, sœurs. J'aime voir ces hommes à la Knesset, sans veston et sans cravate. Protocole, laissez-moi ça de côté. Ce qu'il nous faut, c'est l'efficacité. Nous avons des beaux uniformes, nous avons des galons, nous avons des gardes du corps, mais le pays meurt. Les anges sont venus le chercher, mais lui n'est pas au paradis. Il est au séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas encore l'enfer, car le jugement n'a pas encore été prononcé, et le jugement sera prononcé à la fin des jours. Non, il est dans le séjour des morts, dit la Bible, et c'est là qu'attendent ceux qui ne sont pas prêts et qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et là, c'est déjà le tourment. Oui, c'est le tourment. Le remords. Si j'avais su, pourquoi n'ai-je pas fait? Pourquoi je n'ai-je pas écouté les conseils qui m'ont été donnés? J'ai entendu prêcher à la borne et je n'ai pas appliqué cela à ma vie, à mon cœur. Je savais, une flamme me ronge. Et dans son tourment, il a vu de loin, de très loin, une vision non pas physique, mais une vision dans le sens spirituel. Abraham avec Lazare dans le repos. Et il s'écrie, Père Abraham, dis, s'il te plaît, à Lazare de venir, de tremper son doigt dans l'eau et de me mouiller quelque peu la langue. Je souffre atrocement dans cette flamme. Abraham lui dit, c'est impossible, il y a un gouffre entre nous. Personne ne peut passer, ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Père Abraham, ordonne à Lazare qu'il aille dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Pour qu'ils les avertissent, si quelqu'un vient des morts auprès d'eux, ils croiront et ils se repentiront. Abraham dit non. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Oui, mais Père Abraham, s'il y a quelqu'un qui vient d'entre les morts, ils se repentiront. Même si quelqu'un venait d'entre les morts, ils ne se laisseraient pas persuader. Frères, sœurs, Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. Combien croire? Tu aimeras ton prochain, et c'est un commandement de Dieu. Dieu demandera des comptes à chacun selon ce qu'il a fait. Le plus court chemin pour arriver au bonheur, c'est de rendre les autres heureux. N'oublie pas cela. Et comment les autres, rendre les autres heureux? En les aimant. Et comment les aimant? En t'oubliant, en leur faveur. La bonté et l'amour, ce sont des grandes valeurs. Il n'y a pas de plus grande valeur. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde, aussi méchant soit-il, est touché par la bonté et par l'amour. Il n'y a pas plus sûr moyen d'améliorer le monde que d'être